إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Nous remercions notre frère, notre grand frère L'Akhdar, Jazahullahu Khairan, pour ses paroles bénéfiques. Seulement une petite remarque. Le mot patron, bien que c'est ce qui est marqué dans la traduction, mais c'est loin d'être une bonne traduction du terme wali. Al-wali, c'est l'allié, le protecteur. Donc quand Yusuf alayhi salam, il dit Anta waliyi, tu es mon allié protecteur. Donc c'est pour sortir de toute confusion, car le mot patron a différentes significations selon les domaines et les matières dans lesquelles il est employé. Dans le monde du travail, c'est le directeur, c'est le chef. Dans la religion chrétienne, ça veut dire le saint. Ils disent le patron d'eux, c'est le saint vers lequel ils reviennent, parce qu'ils adorent les créatures. Wal'iyadhu billah. Donc ils adorent un patron, c'est un saint qu'ils adorent. Wal'iyadhu billah. Donc pour sortir de toute confusion, mieux vaut laisser des termes qui n'aient pas de mauvaise connotation. Et aussi une petite remarque aussi, Al-Bukhari, rahimahullah, qui est de Bukhara. Bukhara n'est pas en Afghanistan, mais elle est, c'est une des grandes villes historiques d'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. Bon, ça c'était une petite remarque de précision. Tayyib. L'essentiel, le cours qu'on va entamer, Inch'Allah, concerne une recommandation, un conseil du grand savant, l'imam, le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullahu ta'ala, un grand savant du sud de l'Arabie, qui en était même le mufti, rahimahullahu ta'ala, est connu dans le domaine du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, et qui a beaucoup aussi d'audio, de cours et d'enseignements et de commentaires dans beaucoup d'ouvrages et de livres bénéfiques. On a compilé, réuni certaines de ces fatawas, de lettres, d'épîtres, ainsi que de réfutations, car il fait partie des savants connus pour réfuter le faux d'où il provient, rahimahullah ta'ala. Et cet ouvrage, cette compilation s'intitule Fathu al-Rabb al-Wadud fil Fatawa wal-Rasail wal-Rudud. Il est en trois volumes. C'est un livre qui est en trois volumes, similaire et pareil que celui-là. Et celui-là, c'est le troisième volume, dans lequel donc il y a ce conseil qu'il donne aux étudiants en science religieuse. Donc il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nasihatun ila tullab al-ilm wa hamalat al-sharia. Donc conseil, recommandation aux étudiants en science. Ici la science, lorsqu'en islam, en religion, on parle de science, on sous-entend en premier lieu ce qui est voulu, c'est la science religieuse, le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a bien défini l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah lorsqu'il dit Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu. La science, le savoir, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit, ceux qui ont reçu cet héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc après avoir fait les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, il commence par ce qui est connu comme étant khutbatu al-hajja, le discours du besoin, puis il dit alayhi rahmatullah amma ba'd, après ceci, fa inni ansahu ikhwani tullab al-ilm wa hamalat al-sharia an na'ud ila kitab rabbina wa sunnat nabiyyina fi kulli khilaf يحصل وكل تنازع ينجم متبعين في ذلك توجيهات ربنا في قوله جل من قائل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إلى أن قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc il dit, je recommande et je conseille à mes frères étudiants en sciences religieuses, ceux qui sont les connaisseurs de la législation, qu'on se doit tous de retourner au Coran, au livre de notre Seigneur et à la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans tout domaine dans lequel on diverge. Quel que soit le sujet, la question sur laquelle on va diverger, on se doit de retourner au Coran et à la sunna. Le Coran et la sunna sont la balance de jugement. C'est d'après le Coran et la Sunna qu'on saura qui est sur la vérité de qui est sur le faux. Qui a eu raison de qui s'est trompé. Et même des gens au nom de l'islam n'acceptent pas cela. Dans une audio, on entend Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah parler avec un homme qui était venu pour débattre. Mais au final, il n'y aura pas de débat. Parce que l'homme refuse d'accepter le Coran et la Sunna comme balance de jugement. En premier lieu. Donc, Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, va mettre un terme. Ce n'est pas la peine de discuter. Puisque sur les règles de cette discussion, on n'est pas d'accord. Et cet homme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, avant d'être musulman, on est des humains. On a une raison. Donc, on va prendre la raison comme balance et après, on verra les textes religieux. Un peu comme l'école rationaliste. Et cet homme-là faisait partie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu depuis, Allahu a'lam bihi, Hizb al-Tahrir. Hizb al-Tahrir, ils sont connus, ils sont en Angleterre. Ils ont des leaders en Angleterre. Ils disent qu'ils appellent au califat. Et lui fait partie. Et ce Hizb al-Tahrir a été fondé par un Jordanien il y a quelques décennies de cela. Et celui-là, avant de faire son mouvement de Hizb al-Tahrir, il faisait partie des frères musulmans. C'est un dissident des frères musulmans. Donc on voit bien qu'est-ce qui sort de cette école. Wallahu al-musta'an. Donc, et beaucoup ne le diront pas ouvertement. Ils vont dire oui, il faut revenir au Coran et la Sunna, une parole qui ne sera pas suivie d'actes. Subhanallah. Dans la pratique, qui revient réellement au Coran et la Sunna et qui accepte la vérité qui est dans le Coran et la Sunna? Donc, ce sont des phrases que vous entendez. Simple à entendre. Certains pourront vous dire, mais on est tous d'accord là-dessus. Non. Des paroles qui ne sont pas suivies d'actes, c'est grave. Ya ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'aloun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'aloun. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc le cheikh fait un rappel, il exhorte, conseille, en premier lieu aux étudiants en sciences religieuses, ceux vers qui retournent les gens de la masse. Si cela, il y a un problème chez eux, mais alors que dire lorsqu'on va aller voir les gens de la masse, subhanallah. Donc il leur dit, dans toute question dans laquelle on diverge, où il y a désaccord, on se doit de revenir au Coran et à la Sunna. Que veut dire revenir au Coran et à la Sunna? On y revient parce que cela nous est demandé seulement. Il n'y a pas de suite. Il y a une suite. On revient parce que cela nous est demandé. C'était le devoir de chacun d'entre nous. Mais c'est aussi pour appliquer la vérité et revenir à la vérité et l'accepter et s'y plier et s'y soumettre. Et en faisant cela, en retournant au Coran et à la Sunna, on ne fera que suivre les directives de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans le sens du verset, sur toutes vos divergences, wa makhtalaftum fihi min shay, toute divergence qui apparaîtra, et il y en aura, parce qu'Allah nous a créés différents les uns des autres. Et chacun a sa façon de penser, et chacun a les idées qu'il a, et chacun d'où il vient, et quelle éducation il a, et quel acquis il a, de quel milieu il vient. Tout est là pour qu'on soit différents les uns des autres. Et l'humain de base croit que son acquis est le meilleur des acquis, que son éducation est la meilleure des éducations, que sa pensée est la plus haute et la meilleure des pensées, alors que c'est de humain à humain. Non. Pour mettre un terme à tout cela, il y a la parole d'Allah et la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce n'est plus une histoire, mon avis est meilleur que le tien, ton avis est meilleur que le mien. Non. Il ne sera meilleur que s'il concorde avec les textes religieux. Ton avis sera meilleur que s'il concorde avec les textes religieux. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur. En lui, je place ma confiance. Et c'est à lui que je retourne, c'est-à-dire repentant. Puis, quelques versets plus loin, Allah nous dit, et il vous a légiféré, dans le sens du verset, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint, c'est-à-dire ordonné à Nuh, alayhi salam, ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire à toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, alayhi salatu wa salam. Établissez la religion et n'en faites point un sujet de division. Car la révélation, c'est la vérité. Et qu'y a-t-il après la vérité, si ce n'est l'égarement et la déviation? Ici, dans ce verset, il y a 5 prophètes qui sont cités. Il y en a 5. Nuh, alayhi salam, Muhammad, alayhi salam, Ibrahim, Moussa et Isa, alayhi salatu wa salam. Donc il y en a 4, leurs noms sont cités, et un, Allah parle à lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 5-là, c'est ceux qu'on appelle « ulul azmi min ar-rusul », c'est-à-dire les messagers dotés de détermination forte, si on peut dire, parmi les prophètes. Ce sont les meilleurs des prophètes et des messagers. Oui, « قال الشيخ Ahmed al-Najmi, alayhi rahmatullah, donc il dit, alayhi rahmatullah, wa yustafadu min hadhihi al-ayat 'iddatu umur. Les leçons bénéfiques à tirer de ces versets, il y a beaucoup de leçons. Awalan, premièrement, anna ar-radd 'inda at-tanaazu' wal-ikhtilaf إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم للآية السابقة وللآية الثانية في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Les versets qu'on a cités tout à l'heure, c'est dans la sourate Ash-Shura, la consultation, versets 10 à 13. Et là, le verset qu'on vient de citer, c'est le verset 59 de la sourate An-Nisa, les femmes. Donc, première leçon, que lorsqu'il y a divergence, lorsqu'il y a dispute, désaccord, on se doit de retourner le sujet, la question, à Allah Azza wa Jal et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous amène à cela, c'est le verset précédent, ainsi que le verset suivant, qui est dans la sourate An-Nisa, dans le sens du verset: et si vous divergez dans quoi que ce soit, sur n'importe quelle question, alors retournez-la à Allah et au messager, si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est meilleur et préférable et de meilleure interprétation. Pas comme certains parmi les frères musulmans et d'autres qui vous ramènent des règles qui sont contraires à la religion pour mettre un terme aux disputes, aux divergences, aux désaccords. Ils disent, par exemple, la règle qu'ils ont, qui est connue: ce sur quoi on est d'accord, on travaille dessus, ensemble. Et puis les questions, on est en désaccord, chacun excuse l'autre. T'as ton opinion, j'ai la mienne, et puis voilà, c'est tout. Leur fondateur, Hassan el-Banna, et ils aiment ramener ce genre d'histoire, et puis eux, c'est normal, lorsqu'on est mal éduqué, il en découle des choses. Subhanallah. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il est entré dans la mosquée et deux hommes se disputaient. Presque même à se bagarrer. Quel est le problème? C'est que chacun veut faire l'adhan, veut faire l'appel à la prière. Et lui, il a dit quoi? L'appel à la prière, ce n'est pas une obligation. Et de vous battre, ça c'est interdit. D'avoir ce différent entre vous, c'est interdit. Donc, personne ne fera l'adhan. Et l'adhan n'a pas été fait. Ça c'est retourné à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Eux, ils pensent, ils disent: oh, regardez la hikma. Ce n'est pas une hikma, ça. La hikma, la sagesse, c'est que chaque chose soit posée à sa place, à son endroit, qui lui convient. طيب ثانيا الرد إلى الله هو بالرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو بالرد إلى سنته. Deuxième leçon, de retourner à Allah, c'est-à-dire retourner à son livre, au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran, et de retourner à son messager, c'est de retourner à sa sunna. Et plus précisément, à sa personne, alayhi salatu wassalam, de son vivant. Et à ses enseignements, à ses hadiths, à sa sunnah, après sa mort, alayhi salatu wassalam. Thalithan, troisièmement, kitabullah wa sunnatu rasulihi la yakhtalifani abadan. Troisièmement, le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils ne se contredisent. Ils sont en accord. Tout émane d'Allah, azza wa jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu le Coran, de même, il a reçu la sunna. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il disait que le terme hikmah, lorsqu'il est employé dans le Coran, qu'Allah il a donné la hikmah à son prophète, il est voulu par là la sunnah, Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit et parle aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhunna ajma'in, qui sont les mères des croyants, dans le sens du verset, et rappelez-vous de ce qui est récité dans vos demeures comme verset et hikmah, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il m'a été donné, il m'a été révélé, le Coran et son semblable avec. Donc, ils ne se contredisent jamais. Et ils vont de pair, ensemble. Ensemble. Comme l'a bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne seront jamais séparés, le Coran et la Sunna, jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant Al-Hawd, qui est le bassin réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Donc attention à toutes ces personnes malsaines, mauvaises, égarées et égareurs qui essayent de retirer la sunna du Coran, de faire croire aux gens qu'on peut se suffire du Coran sans la sunna. Ce sont des gens qui vous appellent à quitter tout l'islam. Il n'y a plus de Coran à la fin. Une secte même s'est fait appeler Al-Qur'aniyoun. Nous, on prend que du Coran. Alors, eux, ils sont clairs, ils le disent clairement. On ne veut pas de la sunna pour X raisons, mais toutes les raisons, elles sont fausses, infondées. Et il y en a, ils vous le font d'une manière indirecte. Ils vous mettent dans le doute de la sunna en rappelant que là où il n'y a pas de doute, c'est le Coran, c'est pour qu'à la fin, la sunna n'a plus aucune place auprès de toi. Wal'iyadu billah. Attention, la sunna authentique, elle concorde et elle est en conformité totale avec le Coran. C'est dans ta petite tête, à toi, qu'il y a un problème, non pas dans les textes. Ce n'est pas parce que tu as du mal à comprendre ou que tu crois qu'il y a une contradiction qu'au final il y a une contradiction. Non. Tu ne sais pas, tu comprends pas, tu questionnes ceux qui comprennent. Tu questionnes les gens de science qui, eux, vont dissiper cette ambiguïté qu'il y a chez toi et enlever cette mauvaise compréhension que tu as. Et si même au final tu n'arrives pas à comprendre, tu es en totale confiance en tant que musulman soumis à Allah Azza wa Jal qu'il n'y a aucun problème. C'est moi, en moi qui a le problème, je n'arrive pas à comprendre, je mets ça de côté. Et je ne remets jamais en doute la religion. Subhanallah. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Dans le sens du verset, et si cela émanait, provenait d'autres que Allah, ils auraient trouvé dedans beaucoup de contradictions. Une des preuves que cela provient et émane d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il n'y a pas de contradiction dedans. Le verset numéro 82 de la sourate An-Nisa, les femmes. Rabi'an, quatrièmement, yajibu an nuz'in li hukmi Allah jalla wa ala wa hukmi rasulih sallallahu alayhi wa sallam radina bi thalik muttabi'ina lahu qa'imina bima yaqtadih. Il faut obligatoirement qu'on se plie, qu'on se soumet au jugement, à la décision d'Allah Azza wa Jal, ainsi que le jugement et la décision de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et on est en pleine satisfaction de ce jugement. Il y eut le problème, j'avais une idée, en fin de compte elle contredit la parole d'Allah et de son prophète, et que je l'ai rejeté, je l'ai repoussé pour me plier à la décision d'Allah. Il n'y a aucun problème, alhamdulillah. Ça, c'est l'action même du bon croyant. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Et il n'était pas permis à un croyant, ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils viennent en décider autrement, comme eux ils veulent. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager ne fait que s'égarer d'un égarement évident. Donc, on est satisfait du jugement d'Allah, du jugement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et on suit cette décision et ce jugement, et on applique ce qui en découle, ce qui l'implique. Khamisen, cinquièmement, un narfud, kulla hukmin, wa kulla tashri'in, wa kulla manhajin, yukhalifu hukmahuma, wa tashri'ahuma, wa manhajahuma. Donc cinquièmement, on se doit de refuser, de repousser, de rejeter tout jugement, toute loi et toute méthodologie qui contredit, qui va à l'encontre de leur jugement, d'Allah et de son messager, de leur loi et législation et de leur méthodologie. Sadisan, sixièmement. Wa yu'khadhu min qawlihi shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan. والذي أوحينا إليك الآية أن الله شرع لنا ما شرعه لخيرة أنبيائه وصفوة رسله وهم أولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Il découle et on tire comme leçon de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh et ce que nous t'avons révélé, le verset. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré, nous a ordonné comme loi ce qu'il a légiféré et a ordonné comme loi au meilleur de ses prophètes et les plus purs de ses messagers, qui sont ceux qui sont dotés de résolutions fermes, qui sont au nombre de cinq, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed, alayhim salatu wassalam. Sabi'an, septièmement, anna alladhi shara'ahu lahum هو البدء بالتوحيد في كل دعوة. Donc septièmement, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a légiféré à tous ses prophètes et messagers, alayhim salatu wassalam, à tous, à chacun d'entre eux, c'est de débuter, de commencer par le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tout appel et dans tout prêche. ومنابذة الشرك وأهله والبراءة منهم ومن عملهم. Et aussi le rejet et de s'éloigner du polythéisme, de l'association et de ses adeptes et de s'en désavouer de leurs actes et de ses personnes. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Le verset de la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, verset numéro 4. Dans le sens du verset, Allah nous dit, il vous a été donné un très bon exemple à suivre en Ibrahim, alayhi salam, et ceux qui l'ont suivi, ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de ce que vous adorez, de vous. C'est-à-dire, ils se désavouent de leur personne ainsi que de leurs actes et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous mécroyons en vous, nous vous renions, et apparaît entre nous et vous l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à que vous croyez en Allah seul, en Allah l'unique. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et Allah nous dit dans le sens du verset, et certainement il vous a été donné en le messager d'Allah un très bon exemple à suivre. La sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset numéro 21. Thaminan, huitièmement, yu'khadhu min qawlihi ta'ala an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fih wa ma'na iqamati ad-din wa huwa wahdatu al-uluhiyyah lillahi jalla jalaluhu bi ikhlas ad-din lahu wa tawhidihi bil khawf wal raja' wal ibadah wad du'a wa sa'ir anwa' al ibadah. Il est, on retire comme leçon, on tire comme leçon de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, établissez la religion et n'en faites point un sujet de division. Le verset qu'on a déjà cité tout à l'heure, le sens de établir la religion, c'est d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans la divinité, qu'il soit le seul et l'unique à être adoré. Personne en dehors de lui ne doit être adoré, subhanahu wa ta'ala, en étant sincère dans la religion, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on unifie Allah tabaraka wa ta'ala dans les actes d'adoration du cœur comme avec les membres du corps. Et il donne qu'à titre d'exemple, la peur, l'espoir, l'adoration, les invocations et toutes les autres formes d'adoration. Tasi'an, neuvièmement, wa wahdat al-mutaba'a للرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بما له من التعظيم والتبجيل والتوقير الذي يقتضي الإيمان بأن كل عبادة لا تقبل إلا أن تكون على ما شرعه قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc neuvième point, neuvième leçon, c'est d'unifier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. Le suivi qu'on donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dû au prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne en dehors de lui ne l'a. Après lui, ni un compagnon, ni les grands imams de l'islam ne peuvent avoir ce suivi qui est réservé au prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est une preuve et il est un argument. Lorsqu'on vous dit le prophète a dit, le prophète a fait, on ne nous dit pas quelle est la preuve du prophète. Mais après lui, on dit quelle est la preuve de la parole d'un tel et un tel. Et aussi de magnifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui reconnaître sa place et son degré, de le respecter comme il convient. Un respect qui en découle la foi, la croyance que toute adoration ne peut être acceptée tant qu'elle n'est pas en conformité avec sa législation, avec ce qu'il a légiféré. On vérifie cette adoration, est-ce qu'elle découle d'un enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah nous dit dans le sens du verset, et ce qu'Allah et ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous ordonne, appliquez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça, c'est la sourate Al-Hashr, la sourate l'Exode, le verset numéro 7. Ashiran, dixièmement. Wa min lazimi dhalik nabdhu shirk wal bid'ah التي أدخلت في العبادة والحذر والتحذير منها عملا ودعوة وترويجا. Et il découle de cela, d'unifier Allah dans l'adoration, d'unifier le prophète dans le suivi, alayhi salatu wassalam, il en découle le rejet formel, total, de toute innovation, de tout acte de polythéisme, de toute forme de polythéisme et de toutes les innovations qui sont entrées dans l'adoration, qui ont été introduites dans l'adoration. Et la méfiance est de mettre en garde et de prévenir contre le polythéisme et contre les innovations, que ce soit pour les actes quand ils sont commis, que ce soit contre ceux qui appellent ou ceux qui font la promotion de cela. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset ceci: parce qu'Allah est la vérité, la véritable divinité, le seul en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui, tout ce qu'ils adorent en dehors de lui n'est que le faux. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est élevé et il est le grand et le puissant. De la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, verset 62. Al-Hadi Ashar, onzièmement, « Wa kama nutabi' al-rasul fil ibadah, yajib an nutabi'ahu fi manhaj ad-da'wati ila Allah » فنبدا بالدعوه الى التوحيد لانه هو الاساس الذي بدا منه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. De même qu'on se doit de suivre et de prendre comme exemple le messager sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration, il est un devoir qui nous incombe à tous de le suivre, de le prendre comme exemple dans la méthodologie du prêche et l'appel à Allah. Donc on commence, on débute dans notre prêche par le monothéisme, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car c'est la base, c'est le fondement par lequel ont débuté et commencé tous les messagers, alayhim salatu wa salam. Allah élevé soit-il nous dit dans le sens du verset, et certainement nous avons envoyé à chaque peuple, à chaque nation, un messager qui invite son peuple, qui invite sa nation de n'adorer, en leur disant n'adorez que Allah et éloignez-vous de tout tarout. At-tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et aussi tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tout en étant satisfait et qui accepte cette adoration. La sourate An-Nahl, les abeilles, verset numéro 36. Thani Achar, deuxièmement, An-Nanbuz, kulla dakhilin fi da'wati ila Allah, fa kullu da'watin tataghadha 'ani ash-shirk wa taskut 'anhu wa tata'abbad bil bid'a, na'lamu annaha da'watun batilatun fanahdharha. On se doit de rejeter, de refuser tout ce qui a été introduit dans le prêche à Allah. Donc, tout prêche qui ferme les yeux sur le polythéisme, qui ne prête pas attention sur ce qu'il y a comme polythéisme et qui se tait là-dessus et qui adore, qui accomplit des adorations mais avec des innovations, on sait clairement, il n'y a aucun doute que c'est un prêche qui est faux. Et on se doit de s'en méfier et on se doit de mettre en garde contre. الثالث عشر, treizièmement, يؤخذ من قوله تعالى ولا تتفرقوا فيه النهي عن التفرق وأنه من المحظورات المحرمة الشد التحريم لما يترتب على التفرق من الأضرار العظيمة والسلبيات الفظيعة التي تهدم كيان الأمة وتشتت جمعها وتفرق كلمتها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن Donc on était au 13e point, 13e leçon. Donc on tire comme leçon de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et n'en faites point un sujet de division, le verset qu'on a déjà cité tout à l'heure, l'interdiction de se diviser, l'interdiction de faire scission. Et que cela fait partie des choses non permises, interdites, fortement. Car il en découle de cette division, de cette séparation, de cette scission, beaucoup de maux énormes et des conséquences catastrophiques qui viendraient à détruire la construction même, la base même de la communauté. Et elle va disperser son unité, son union et aussi diviser sa parole. Ar-Rabi Achar, 14e leçon. An al-wajib ala kulli al-umma an tarfud kulla ma khalaf al-kitab wa sunnah hatta yahsul al-ijtima' alladhi yuqamu الدين به وتجتنب أسباب الخلاف ونكون جميعا مطيعين لله عز وجل في أمره ونهيه فيرضى عنا ربنا جل جلاله. Donc le devoir qui nous incombe, qui est obligatoire pour nous, pour toute la communauté musulmane, c'est de refuser tout ce qui contredit le livre et la sunna afin d'atteindre l'union, ce qui va nous permettre d'être unis et d'appliquer la religion et de s'éloigner de toutes les causes de la division et de la scission. Et on sera tous, en agissant ainsi, obéissant à Allah Azza wa Jal dans ce qui nous demande et dans ce qui nous interdit parmi ses ordres. Et là, notre Seigneur, exalté soit-il, élevé soit-il, sera satisfait de nous. Al-Khamisu Ashar, wa huwa al-Khatima. Quinzième leçon à retenir, et c'est la conclusion, la fin de ce conseil. للشيخ عليه رحمة الله الواسعة ندي: فإن أبى بعض الفئات أو بعض الأحزاب أن ينصاع لهذه الأوامر والنواهي وأن يقبل هذه التعاليم الإلهية بترك ما يخالفها، فهو الظالم المعتدي الآتي بأسباب التفرق والاختلاف. S'il y a parmi les différentes factions, les différents partis, ceux qui ne veulent pas se plier à ce qui est demandé ou de ce qui est interdit comme ordre et qui n'acceptent pas les enseignements divins de délaisser ce qui les contredit, alors en agissant ainsi, c'est lui, c'est cette personne qui est l'oppresseur, qui est l'injuste, et c'est lui qui est venu avec les causes de la division et les causes de la scission. Donc ne vous trompez pas, jamais celui qui appelle à la sunna en agissant ainsi appelle à la division, à la scission. C'est pas vrai, parce que la sunna, c'est ce qui va regrouper. C'est l'innovateur qui appelle à l'innovation, à sa passion, qui ne veut pas se soumettre à l'ordre d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, en agissant ainsi, qui amène les causes de la scission et de la division. Comme on dit bien, Ahlu sunnati wal jama'a, Ahlu al-bid'ati wal furqa. Donc c'est l'innovateur, en ne voulant pas quitter son innovation, en contredisant les ordres divins, qui contribue à cette division et à cette scission. Puis le cheikh termine en disant: wa ila Allahi narfa'u akuffa ad-dara'a an yaktuba nasrahu wa ta'yidahu li fi'ati al-haqq wa an yakbita kull zalim yurid bil ummati al-islamiyya su'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Et donc on lève, il dit le cheikh, et nous levons les mains qui prouvent notre faiblesse, notre pauvreté et notre besoin face à Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, qu'il marque, il écrit pour nous son aide et son secours, et qu'il vienne en aide au groupe qui est sur la vérité, et qu'il repousse toute personne mauvaise, injuste, qui fait preuve d'oppression et qui veut pour la communauté islamique toute forme de mal. Et que la prière soit d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et qu'il les salue fortement. Katabahu ar-Raji afwa rabbihi Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Il a été écrit par celui qui espère le pardon de son Seigneur, Ahmed ibn Yahya al-Najmi, 6-1-1422 Hijriya, le 6 du mois de Muharram 1422 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a 17 ans de cela. Rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.